Mon code DAF, baby, c'est baby. Baby, baby, baby. L'État n'a pas fenêtre, trop peur me souhaiter salam alaikum. Trop de traite, c'est salam alaikum. Pas de tum-tum, la nuit je dors mal, 21 ans, la mine normale, mec ça devient chum. J'ai canassé mon train de vie volontairement, je l'ai payé chèrement. Ma délinquance sera au fils de pied de biche, clairement. Dans le bitume, je redeviens autodidacte. Faut de marquer des buts, trop de fois mais tirer chou sur les poteaux. Dis donc, qu'est-ce que je fais les yeux clos, tout temps merde. On m'a dit qu'être honnête était ma voix. J'ai appris à me connaître, et bien ma foi. Je fais mon bifton après tout, je t'emmerde. Méfiant, je crie mes partenaires, rime partenaire. La rue, mon réseau, mec de test. Pour plus d'une raison, je peux te baiser la gueule, mon raisin. Bien quoi, t'as l'air surpris, mais n'a pas arrivé l'ascenseur. Mon côté à deux, personne me renvoie l'ascenseur. C'est Mikey, Yonki, Sira Tango, Inja Kilo. Mikey, Oscar Kilo, Oscar au stylo. Style compile, tranquille, tu vois, je milite. T'es 77 pas vers la France, car j'ai mes limites. Pour les 23 restants, même temps militant. 100% excellent, rare, vous dis, faites les choses, il est temps. Balle faire frère, évite les poucaves. Nous parviendrons à faire rouiller les fers qui nous entravent. On serre les gouttes si on fait ce qu'il faut pour s'en sortir seul tout. Nous parviendrons à faire rouiller les fers qui nous entravent. Avec la foi dans ce qu'on fait, croire en ce qu'on fait, évite les poucaves. Nous parviendrons à faire rouiller les fers qui nous entravent. A chaque fois que le beat change, mon flow devient étrange. Je sais que nos rimes te dérangent comme le cannabis au cinéma. Rouler les années chez toi avant que tu dises bislema. Fidèle au rap, faire le truc avec le feeling. Demande à Léon Damas, je suis ridicule dans gros smoking. En soi de s'en sortir et lutter seul sans toi, on jouait déjà au bi. Même celui sans toi d'en transpirer seul, jusqu'au soir qui les habille. On t'a pas attendu pour faire le moment taf sans des acteurs pour faire avancer l'affaire. Même laissé dans la merde, on a créé nos propres tafs. On a les flèches, les briquets dans ton territoire, tous des prédateurs comme des criquets. Et comme on prend on te laisse nos sobriquets. Tu nous prenais pour des voyous, des fous sur ton ring. Maintenant viens voir, c'est comme quand mon baby s'est brillé sur un featuring. Lui de TE, mon mot de tous les jours, je m'en fous du temps à la météo. Sans question ni repos, il faut que le truc circule en Afrique, en Chine ou en Inde. S'il y a trop de blablaqueurs dans ton ghetto blaster, j'apporte leur haine. M-Y-S-T-I-K, c'est Blas que j'ai choisi pour m'introduire dans vos versa. Tout comme M-O-K-O, la lutte coule dans nos veines aguerries. Donc on fait ce qu'on a à faire au cas où. Donc on fait ce qu'on a à faire au cas où. Masque qu'ils font en Corse, leurs propres compatriotes. Tu crois qu'ils se bougent recul pour toi, je m'efforce moi. J'mène un compatriote, c'est ça qui t'a laissé des plumes. J'en suis plus à une près. Dans bien des circonstances, j'ai failli délaisser les diplômes. Détesté depuis diplôme, ce sentiment ressurge chaque fois que pointe et mis en courbe. Demandant qu'est-ce que je faisais ici. Maintenant ce que je fais ici, je milite. Les gars qui s'en sortent seuls, ma lutte. L'État ne m'a pas fait naître. Si on serre les coudes, si on fait ce qu'il faut pour s'en sortir seul tout. Nous parviendrons à faire rouiller les fers qui nous entravent. Avec la foi dans ce qu'on fait, croire en ce qu'on fait, évite les poucaves. Nous parviendrons à faire rouiller les fers qui nous entravent. Si on serre les coudes, si on fait ce qu'il faut pour s'en sortir seul tout. Nous parviendrons à faire rouiller les fers qui nous entravent. Avec la foi dans ce qu'on fait, croire en ce qu'on fait, évite les poucaves. Nous parviendrons à faire rouiller les fers qui nous entravent. Dengue, nous parviendrons à faire rouiller les fers qui nous entravent. L'État ne m'a pas fait naître, mon baby si, mon côté à F flamme, du rasoir réfugié. Hengue, hengue, l'État ne m'a pas fait naître, le net prod, spécimen rare. Parviendra à faire rouiller les fers qui nous sont graves.